vous aimeriez intégrer une entreprise qui se préoccupe réellement de son personnel? Vous rêvez d'évoluer dans un cadre de travail qui mélange bien-être, détente et service tout compris à la personne? Poodle, le géant des nouvelles technologies, recrute. En devenant salarié chez Poodle, vous bénéficiez d'un environnement de travail des plus confortables au monde où tout est pensé afin de faciliter la détente et le bien-être des employés. Hamac dans votre bureau pour pouvoir travailler sans vous fatiguer, salle de gym, plusieurs piscines et de nombreuses activités sportives pour la détente, salle de musique, cinéma pour laisser libre cours à vos inspirations, plus de 500 restaurants gratuits, des bars à fruits, bars à smoothies, bars à jus d'herbe, bars à sieste, bars à putes, dortoirs, appartements sur site, cabane de bureau, douche, coiffeur gratuit, massage gratuit, médecin, bowling, zoo, parc d'attractions, le tout agrémenté d'un salaire de 128 000 $ par an minimum afin de séquestrer nos employés sans avoir besoin de les attacher. Eh oui, moi, ça fait un an que j'ai pas vu mon mari et mes enfants. Vivez la vie rêvée de salarié avec Poodle Life.